الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication de hadith sur la croyance et le suivi réunis par l'éminent Cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Nous allons maintenant voir le 21e et dernier hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans ce livre et qui concerne la douceur de la foi. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dont nous avons déjà parlé lors de l'explication du 7e hadith. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun » من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Il y a trois choses. Celui en qui elle se trouve, alors il ressentira par celle-ci la douceur de la foi. La douceur de la foi. Il sera apaisé par cette foi dans son cœur. Son cœur sera illuminé. Il ressentira un bien-être que nul en dehors de ceux qui concrétise ces choses ne peut ressentir. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, soient plus aimés pour lui que tout autre que. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Et qu'il ait de la répulsion et qu'il déteste le fait de revenir à la mécréance, de tomber dans la mécréance, de la même manière qu'il détesterait être jeté dans le feu. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc ces trois choses mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith court mais qui est très immense en termes de leçons et d'enseignements, elles font partie des signes démontrant que la personne a une foi véridique. Et c'est pour cela que celui qui concrétise ces trois choses, il ressentira dans son cœur la douceur et le délice de la foi. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. L'amour d'Allah, c'est une chose immense et c'est la base même de l'adoration et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah a créé les créatures pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Et cette adoration, elle réunit la perfection de l'amour d'Allah accompagnée de la soumission et l'obéissance à ses ordres. Et le fondement même de l'adoration est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de lui vouer l'amour à lui exclusivement. Que tout ton amour soit pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'aimes avec lui nul autre que lui. Que tu ne lui donnes aucun associé dans ton amour. Et lorsque tu aimes une chose, que tu aimes une personne, alors tu ne l'aimes que pour Allah et en Allah. C'est-à-dire que tu aimes parmi les serviteurs ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tu aimes les prophètes alayhim salatu wa salam. Tu aimes les messagers alayhim salatu wa salam. Tu aimes les anges. Tu aimes les vertueux. Tu aimes les gens qui manifestent de la piété. Tu les aimes en Allah, car tu as vu chez eux ce qui te démontre que ils sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de les aimer, d'aimer les serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ceci fait partie de la perfection de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu aimes quelqu'un pour Allah et en Allah, alors ceci fait partie de la réelle servitude que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne peut se concrétiser que par le suivi et l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le délaissement de tout ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te soumets à ses ordres, que tu t'écartes de ses interdits, ceci démontre la véracité et la réalité de ta servitude que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala et la véracité de ton amour pour lui. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait du suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam un signe et une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans son noble livre, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهَ » dit, « Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera. » Il a donc fait du suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam un signe et une preuve et une condition de la véracité de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie que ceux qui n'aiment pas Allah, ils ne suivent pas son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui s'opposent à l'islam, tous ceux qui s'opposent au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont refusé de le suivre, ceux-là, ils n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui n'aiment pas Allah, ils ne suivent pas son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, on observe que tous ceux qui ne l'ont pas suivi, même s'ils prétendent aimer Allah, cette prétention est une prétention mensongère. Il est donc impératif pour le croyant qui souhaite goûter la douceur de la foi d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Vient ensuite l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est subordonné et qui suit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est lié à celui-ci. Quiconque aime Allah aimera son messager sallallahu alayhi wa sallam et il aimera tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et on a vu dans le 9e hadith que nul parmi nous ne peut avoir la foi tant qu'il n'aimera pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que son enfant, plus que son parent et plus que l'ensemble des gens. C'est cela la foi véridique. Et parmi les signes de l'amour véridique pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'aimer ce avec quoi il est venu comme révélation, d'aimer le Coran, d'aimer la Sunna, d'avoir foi en tout ce qui est venu dans les textes, de suivre ce qui est venu dans ces textes comme ordre et interdit, accomplir ce qu'il a ordonné, délaisser ce qu'il a interdit, faire prévaloir l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'obéissance à tout autre que lui parmi les créatures, même à l'obéissance à ta propre personne. Tu ne fais pas prévaloir ce que ta personne aime au-dessus de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour toi. Nombreux sont ceux à souffrir de cela, à faire prévaloir leurs désirs et leurs passions. Tout ce à quoi leur âme incitatrice au mal les appelle, alors ils lui obéissent. En raison de la faiblesse de la foi et du manque de véracité dans la prétention d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si ton amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un amour véridique, comme il convient aux croyants d'avoir, tu aurais fait précéder la soumission et l'obéissance à ses ordres et le délaissement de ses interdits à ce à quoi ton âme incitatrice au mal t'appelle. Donc ceci est un moyen qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir se remettre en question, de pouvoir évaluer sa foi, de savoir où tu en es dans ta religion, de savoir si réellement tu agis comme il convient aux musulmans et aux croyants d'agir. Est-ce que réellement tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam? Si tu les aimes vraiment, pourquoi ne te soumets-tu pas à leurs ordres? Pourquoi transgresses-tu leurs interdits ouvertement? Tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais tu ne veux pas lui ressembler. Il est connu que celui qui aime une personne cherche à lui ressembler. Regardez toutes les personnes fanatiques de ce qu'ils appellent des stars, que ce soit parmi les sportifs, ou autre parmi les gens? Ne cherche-t-il pas à leur ressembler? Ne cherche-t-il pas à s'habiller comme eux, à se coiffer comme eux, à avoir le même mode de vie qu'eux et ainsi de suite? Pourquoi? Parce qu'il les aime. Il cherche à leur ressembler. Et ce qui est triste aujourd'hui est de voir des personnes parmi les adeptes de cette religion chercher à ressembler à ces personnes, bien souvent perverses ou mécréantes, et ne pas chercher à ressembler au meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, dont ils prétendent suivre le message et être des adeptes de sa religion. Où en es-tu à ce sujet? Où en es-tu au sujet du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi cherches-tu à ressembler à ces personnes, à te coiffer, à te vêtir comme ces personnes, et ne pas chercher à te coiffer, à te vêtir, et ainsi de suite, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes? Pose-toi cette question, et en y répondant avec véracité, tu sauras où tu en es dans ton suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dans la concrétisation de ta foi. Remets-toi en question dès maintenant, et n'attends pas demain, car la mort ne te préviendra pas avant de venir. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné une deuxième chose, qui est que lorsqu'on aime une personne, on ne l'aime que pour Allah et en Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le véritable amour, l'amour qui est profitable, celui dont tu vas tirer profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour qui est durable, qui continuera dans l'au-delà, c'est seulement l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime vraiment en Allah, il va goûter les délices de cet amour dans ce bas monde avant l'au-delà. Alors que celui qui aime pour des intérêts mondains, pour des biens vils de ce bas monde, il s'attache à une personne car il a un profit auprès de cette personne, un profit matériel, un profit professionnel ou autre chose semblable. Ou alors il aime une personne parce que elle est de la même origine que lui. Ou alors il aime une personne parce qu'elle vient de son quartier, parce qu'ils ont grandi ensemble. Cet amour-là, bien souvent, il sera accompagné de nombreux méfaits, et c'est un amour qui ne dure pas. C'est un amour qui ne dure pas, et même s'il dure dans ce bas monde, il sera certainement source de regrets et de désaveux au jour de la résurrection si cet amour a été une cause de délaissement de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou de la transgression de ses interdits. Tu dois favoriser l'amour en Allah et pour Allah. Tu ne vas pas préférer une personne parce qu'elle est de la même origine que toi alors que tu vois qu'elle est perverse ou mécréante. Tu ne vas pas la préférer à un croyant vertueux sous prétexte que ce dernier n'est pas de la même origine que toi ou ne vient pas du même quartier que toi ou autre chose semblable. Mais tu vas préférer le serviteur croyant et vertueux, même s'il n'est pas de la même couleur que toi, même s'il n'est pas de la même origine que toi, même s'il ne parle pas la même langue que toi. Tu l'aimes parce qu'il est croyant, parce qu'il s'est soumis à Allah, parce qu'il a suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il s'est attaché aux enseignements du Coran et de la Sunna. Tout ceci te pousse à l'aimer. Tandis que celui qui, bien qu'il soit de la même origine que toi ou autre, désobéit ouvertement à Allah, transgresse les interdits d'Allah, n'est pas sur le droit chemin, comment peux-tu favoriser cette personne à un croyant vertueux, sous prétexte d'une origine ou autre chose semblable, wallah al-musta'an? Donc celui qui a une foi véridique et qui a goûté la douceur de la foi, il ne va aimer que pour Allah et en Allah. Et telle est la concrétisation de la fraternité religieuse par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a liés. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné est le fait de détester la mécréance. Comment un croyant pourrait-il aimer la mécréance? Il n'y a pas de doute que, en tant que croyant, la chose que tu vas détester le plus est ce qui s'oppose à ta croyance. La mécréance, le polythéisme, et ainsi de suite. Et il n'y a pas une chose que tu vas détester plus que le fait de tomber dans cette mécréance. Et le croyant véridique, il préférerait être jeté dans le feu plutôt que de renoncer à sa foi. Et nombreux sont les croyants à avoir démontré la véracité de leur foi en faisant face à ce genre d'épreuve. Méditez sur le récit des gens du fossé, auquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion dans Surat al-Buruj. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ Que périssent les gens du fossé. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ Au brûler un feu sans cesse alimenté. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ Au bord duquel les mécréants s'étaient installés. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ Et ils voyaient ce qu'ils faisaient aux croyants. Ce qu'il leur imposait comme persécution, en les contraignant à renier la foi au risque d'être jetés dans ce feu. Et ceux-là sont restés fermes sur leur foi et ont préféré brûler dans le feu de ce bas monde plutôt que de brûler dans le feu de l'au-delà. Et pourquoi les jetaient-ils dans le feu? Si ce n'est car ils leur reprochaient de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Et ils n'avaient rien à leur reprocher si ce n'est leur foi en Allah, le Tout-Puissant et le digne de louange. Donc vous voyez comment les croyants restent fermes face aux épreuves. Ce récit, c'est un récit immense sur lequel il convient de méditer, surtout lors des moments de difficultés et d'épreuves. Lorsque tu peux t'affaiblir face à certaines difficultés, rappelle-toi de ce que ces gens ont subi. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que certains parmi les communautés précédentes étaient placés dans un trou et on venait avec une scie et on coupait leur corps en deux. Et ceci ne leur faisait pas renier la foi. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam que d'autres on prenait des peignes de fer que l'on plaçait sous leur chair avec lesquelles on arrachait tout ce qui s'y trouvait, et ceci ne les faisait pas renoncer à leur foi. Ils restaient fermes, malgré toutes ces persécutions. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui, à la moindre difficulté, ils vont renoncer ou faire des concessions dans leur religion, Allah al-Musta'an, pour un simple regard parfois. Par peur du regard des gens, ils transgressent les interdits d'Allah. Par peur du regard des gens, il ne se soumet pas aux ordres d'Allah, il délaisse la prière. Par peur de se faire voir en train de prier pour des biens vils de ce bas monde, parce qu'il court après cette dunya, il délaisse l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Au moindre coup de pression, à la moindre menace, il faiblit et il délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné ou transgresse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Où en sommes-nous comparés à ces gens-là? Qui avaient un feu devant eux. Est-ce que nous vivons de telles persécutions? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, sa bienfaisance, il nous en a préservés. Mais malgré cela, on voit des gens faiblir, on voit des gens reculer, on voit des gens faire des concessions dans leur religion, au point de se mettre en danger et de mettre en danger leur foi, wal'iyadu billah. Donc celui qui a goûté la douceur de la foi, il doit détester, tomber, dans la mécréance plus qu'il ne détesterait être jeté dans le feu. Et parmi les preuves de cela, il y a le fait qu'il va tout faire pour préserver sa foi. Donc on tire comme bénéfice de ce hadith, premièrement, que la foi a une douceur qui peut être ressentie par le croyant qui va concrétiser ces trois choses que l'on va mentionner. Et celui qui a atteint cela, il va ressentir un bien-être, un apaisement dans sa poitrine que nul ne peut ressentir si ce n'est ceux qui ont concrétisé ces choses comme lui. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que il fait partie des signes les plus distinctifs des croyants véridiques qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et on a vu que cet amour n'est pas une simple parole de la langue, ce n'est pas une prétention, mais cet amour il a des signes. Et parmi ces signes, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la soumission à la charia, l'accomplissement des ordres, le délaissement des interdits, ainsi de suite parmi les choses que l'on a vues et mentionnées. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les liens entre les gens doivent être établis sur des bases solides. Et ces bases solides sont l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes en Allah et tu détestes en Allah. Ce qu'Allah aime, tu l'aimes, et ce qu'Allah déteste, tu le détestes. C'est cela la véracité et la perfection de la foi. Enfin, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, bien que les bénéfices soient nombreux, mais on se contentera de cela, inshallah ta'ala, il y a le fait que le croyant, qui est véridique dans sa foi, il se doit de détester et craindre le fait de tomber dans la mécréance. Et celui qui craint réellement cela, il fera tout pour ne pas mettre sa religion en danger. Ta religion, tu dois avoir en tête que c'est la chose la plus capitale que tu détiens. Ta religion, elle vaut plus que tes biens. Ta religion, elle vaut plus que ton argent. Elle vaut plus que tout ce que tu possèdes. Vous avez vu quelqu'un qui a de l'argent? Comment il fait pour le protéger, le préserver? Il va le mettre dans un coffre, il va le cacher. Il va peut-être dépenser de l'argent pour préserver son argent. Va faire de grands efforts et ceci va le travailler sans cesse. S'il sait qu'il a de l'argent quelque part, il va y penser. Il va de temps à autre le surveiller, voir s'il est encore présent et ainsi de suite. Ta religion est plus importante que cela. Tu dois y veiller. Veiller à te placer dans un endroit où ta religion ne sera pas en danger. De la même manière que ton argent, tu ne vas pas le poser sur la place publique, aux yeux de tous, au risque qu'il se fasse voler. Alors ta religion, tu ne vas pas la mettre en danger en te plaçant dans un endroit où tu risques de la corrompre ou pire encore de la perdre. Wal'iyadu billah. Ceci est d'une grande importance. Tu dois veiller à préserver ta foi, préserver ta religion, préserver ton islam. Si réellement tu détestes le polythéisme, alors comment pourrais-tu rester vivre parmi eux, au risque de t'assimiler à eux, d'adopter leurs mœurs, d'adopter leurs coutumes, d'adopter leurs comportements, de vivre comme eux, de vivre à leur manière, et de perdre petit à petit ta religion, Allah al-Musta'an, et observer la situation de nombre de personnes parmi ceux qui s'affilient à cette religion aujourd'hui et qui vivent parmi les polythéistes. Nombre d'entre eux n'ont plus de la religion de l'islam autre que le nom. Ils se sont assimilés aux mécréants, ont adopté leurs mœurs, ont adopté leurs coutumes, au point même de célébrer leurs fêtes religieuses, d'y participer, de les féliciter, d'accepter les félicitations pour celles-ci et d'y faire certaines célébrations, Allah al-Musta'an. Et ceci est la conséquence du fait d'être resté vivre en terre de mécréance. Et c'est un des méfaits parmi les nombreux méfaits. Et quel méfait est plus grand que ce dernier, qui est de mettre en danger ta religion, de mettre en danger la religion de ta descendance. Ta religion est la chose la plus capitale, la plus précieuse que tu détiens. Alors veille à la préserver, veille à t'éloigner de tout ce qui pourrait te mener à la mécréance, au polythéisme et également à l'innovation, au péché majeur et mineur et toute forme de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes qui vont t'aider à t'écarter de cela, il y a le fait d'accomplir cette noble adoration qui est la hijra, le fait de quitter la terre de mécréance pour te rendre vivre en terre d'islam, au milieu des tiens, pour pouvoir concrétiser la mise en pratique de ta religion comme il se doit. On a donc terminé avec ce hadith et par la même occasion l'étude de ce livre et de ces hadiths très profitables. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا